L'île mystérieuse de Jules Verne, dit par Jean-François Ricou pour audiocité.net. Seconde partie, chapitre 14. Pencroff, Harbert et Gédéon Spilett étaient restés silencieux au milieu de l'obscurité. Pencroff appela d'une voix forte. Aucune réponse ne lui fut faite. Le marin battit alors le briquet et alluma une brindille. Cette lumière éclaira pendant un instant une petite salle qui parut être absolument abandonnée. Au fond était une cheminée grossière avec quelques cendres froides, supportant une brassée de bois sec. Pencroff y jeta la brindille enflammée. Le bois pétilla et donna une vive lueur. Le marin et ses deux compagnons aperçurent alors un lit en désordre, dont les couvertures, humides et jaunies, prouvaient qu'il ne servait plus depuis longtemps. Dans un coin de la cheminée, deux bouilloires couvertes de rouille et une marmite renversée, une armoire avec quelques vêtements de marin à demi moisis, sur la table un couvert d'étain et une Bible rongée par l'humidité. Dans un angle, quelques outils, pelles, pioches, piques, deux fusils de chasse, dont l'un était brisé. Sur une planche formant étagère, un baril de poudre encore intact, un baril de plomb et plusieurs boîtes d'amorces, le tout couvert d'une épaisse couche de poussière que de longues années peut-être avaient accumulée. « Il n'y a personne, » dit le reporter. « Personne, » répondit Pencroff. « Voilà longtemps que cette chambre n'a été habitée, » fit observer Harbert. « Oui, bien longtemps, » répondit le reporter. « Monsieur Spilett, » dit alors Pencroff, « au lieu de retourner à bord, je pense qu'il vaut mieux passer la nuit dans cette habitation. »« Vous avez raison, Pencroff, » répondit Gédéon Spilett, « et si son propriétaire revient, eh bien, il ne se plaindra peut-être pas de trouver la place prise. » « Il ne reviendra pas, » dit le marin en hochant la tête. « Vous croyez qu'il a quitté l'île ?» demanda le reporter. « S'il avait quitté l'île, il eût emporté ses armes et ses outils, » répondit Pencroff. « Vous savez le prix que les naufragés attachent à ces objets qui sont les dernières épaves du naufrage. « Non, non, » répéta le marin d'une voix convaincue, « non, il n'a pas quitté l'île. S'il s'était sauvé sur un canot fait par lui, il eût encore moins abandonné ses objets de première nécessité. Non, il est sur l'île. Vivant ? Demanda Harbert. Vivant ou mort ? Mais s'il est mort, il ne s'est pas enterré lui-même, je suppose, répondit Pencroff, et nous retrouverons au moins ses restes. Il fut donc convenu que l'on passerait la nuit dans l'habitation abandonnée, qu'une provision de bois qui se trouvait dans un coin permettrait de chauffer suffisamment. La porte fermée, Pencroff, Harbert et Gédéon Spilett, assis sur un banc, demeurèrent là, causant peu, mais réfléchissant beaucoup. Ils se trouvaient dans une disposition d'esprit à tout supposer, comme à tout attendre, et ils écoutaient avidement les bruits du dehors. La porte se fut ouverte soudain, un homme se serait présenté à eux, qu'ils n'en auraient pas été autrement surpris, malgré tout ce que cette demeure révélait d'abandon, et ils avaient leurs mains prêtes à serrer les mains de cet homme, de ce naufragé, de cet ami inconnu que des amis attendaient. Mais aucun bruit ne se fit entendre. La porte ne s'ouvrit pas, et les heures se passèrent ainsi. Que cette nuit parut longue au marin et à ses deux compagnons. Seul, Harbert avait dormi pendant 2 heures, car, à son âge, le sommeil est un besoin. Ils avaient hâte, tous les trois, de reprendre leur exploration de la veille et de fouiller cet îlot jusque dans ses coins les plus secrets. Les conséquences déduites par Pencroff étaient absolument justes, et il était presque certain que, puisque la maison était abandonnée et que les outils, les ustensiles, les armes s'y trouvait encore, c'est que son hôte avait succombé. Il convenait donc de chercher ses restes et de leur donner au moins une sépulture chrétienne. Le jour parut. Pencroff et ses compagnons procédèrent immédiatement à l'examen de l'habitation. Elle avait été bâtie vraiment dans une heureuse situation, au revers d'une petite colline que 5 ou 6 magnifiques gommiers abritaient. Devant sa façade et à travers les arbres, la hache avait ménagé une large éclaircie qui permettait au regard de s'étendre sur la mer. Une petite pelouse, entourée d'une barrière de bois qui tombait en ruine, conduisait au rivage, sur la gauche duquel s'ouvrait l'embouchure du ruisseau. Cette habitation avait été construite en planches, et il était facile de voir que ces planches provenaient de la coque ou du pont d'un navire. Il était donc probable qu'un bâtiment désemparé avait été jeté à la côte sur l'île, que tout au moins un homme de l'équipage avait été sauvé, et qu'au moyen des débris du navire, cet homme, ayant des outils à sa disposition, avait construit cette demeure. Et cela fut bientôt évident encore, quand Gédéon Spilett, après avoir tourné autour de l'habitation, vit sur une planche, probablement une de celles qui formaient les pavois du navire naufragé, ces lettres à demi effacées déjà, BR, 3 points de suspension, TAN.A. Britannia, s'écria Pencroff, que le reporter avait appelé, c'est un nom commun à tous les navires, et je ne pourrais dire si celui-ci était anglais ou américain. Peu importe, Pencroff. Peu importe, en effet, répondit le marin, et le survivant de son équipage, s'il vit encore, nous le sauverons à quelque pays qu'il appartienne. Mais avant de recommencer notre exploration, retournons d'abord aux Bonaventures. Une sorte d'inquiétude avait pris Pencroff au sujet de son embarcation. Si pourtant l'îlot était habité, et si quelques habitants s'étaient emparés... Mais il haussa les épaules à cette invraisemblable supposition. Toujours est-il que le marin n'était pas fâché d'aller déjeuner à bord. La route, toute tracée d'ailleurs, n'était pas longue, 1 mille à peine. On se remit donc en marche, tout en fouillant du regard les bois et les taillis, à travers lesquels chèvres et porcs s'enfuyaient par centaines. 20 minutes après avoir quitté l'habitation, Pencroff et ses compagnons revoyaient la côte orientale de l'île et le Bonaventure maintenu par son ancre qui mordait profondément le sable. Pencroff ne put retenir un soupir de satisfaction. Après tout, ce bateau c'était son enfant, et le droit des pères est d'être souvent inquiet plus que de raison. On remonta à bord, on déjeuna, de manière à n'avoir besoin de dîner que très tard. Puis, le repas terminé, l'exploration fut reprise et conduite avec le soin le plus minutieux. En somme, il était très probable que l'unique habitant de l'îlot avait succombé. Aussi, était-ce plutôt un mort qu'un vivant dont Pencroff et ses compagnons cherchaient à retrouver les traces. Mais leurs recherches furent vaines, et pendant la moitié de la journée, ils fouillèrent inutilement ces massifs d'arbres qui couvraient l'îlot. Il fallut bien admettre alors que, si le naufragé était mort, il ne restait plus maintenant aucune trace de son cadavre, et que quelques fauves, sans doute, l'avaient dévoré jusqu'au dernier ossement. Nous repartirons demain au point du jour, dit Pencroff à ses deux compagnons, qui, vers 2 heures après midi, se couchèrent à l'ombre d'un bouquet de pins afin de se reposer quelques instants. Je crois que nous pouvons sans scrupule, ajouta Harbert, emporter les ustensiles qui ont appartenu aux naufragés. Je le crois aussi, répondit Gédéon Spilett, et ses armes, ses outils compléteront le matériel de Granite House. Si je ne me trompe, la réserve de poudre et de plomb est importante. Oui, répondit Pencroff, mais n'oublions pas de capturer un ou deux couples de ces porcs, dont l'île Lincoln est dépourvue. Ni de récolter ces graines, ajouta Harbert, qui nous donneront tous les légumes de l'ancien et du nouveau continent. Il serait peut-être convenable alors, dit le reporter, de rester un jour de plus à l'île Tabor, afin d'y recueillir tout ce qui peut nous être utile. Non, monsieur Spilett, répondit Pencroff, et je vous demanderai de partir dès demain au point du jour. Le vent me paraît avoir une tendance à tourner dans l'ouest, et après avoir eu bon vent pour venir, nous aurons bon vent pour nous en aller. Alors ne perdons pas de temps, dit Harbert en se levant. Ne perdons pas de temps, répondit Pencroff. Vous, Harbert, occupez-vous de récolter ces graines que vous connaissez mieux que nous. Pendant ce temps, monsieur Spilett et moi, nous allons faire la chasse aux porcs, et même à l'absence de Top, j'espère bien que nous réussirons à en capturer quelques-uns. Harbert prit donc à travers le sentier, qui devait le ramener vers la partie cultivée de l'îlot, tandis que le marin et le reporter rentraient directement dans la forêt. Bien des échantillons de la race porcine s'enfuirent devant eux, et ces animaux singulièrement agiles ne paraissaient pas d'humeur à se laisser approcher. Cependant, après une demi-heure de poursuite, les chasseurs étaient parvenus à s'emparer d'un couple qui s'était baugé dans un épais taillis lorsque des cris retentirent à quelques centaines de pas dans le nord de l'îlot. À ces cris se mêlaient d'horribles rauquements qui n'avaient rien d'humain. Pencroff et Gédéon Spilett se redressèrent et les porcs profitèrent de ce mouvement pour s'enfuir au moment où le marin préparait des cordes pour les lier. « C'est la voix d'Harbert, » dit le reporter. « Courons !» s'écria Pencroff. Et aussitôt le marin et Gédéon Spilett de se porter de toute la vitesse de leurs jambes vers l'endroit d'où partaient ces cris. Ils firent bien de se hâter, car, au tournant du sentier, près d'une clairière, ils aperçurent le jeune garçon, terrassé par un être sauvage, un gigantesque singe sans doute, qui allait lui faire un mauvais parti. Se jeter sur ce monstre, le terrasser à son tour, lui arracher Harbert, puis le maintenir solidement, ce fut l'affaire d'un instant pour Pencroff et Gédéon Spilett. Le marin était d'une force herculéenne, le reporter très robuste aussi, et malgré la résistance du monstre, il fut solidement attaché, de manière à ne plus pouvoir faire un mouvement. « Tu n'as pas de mal, Harbert ?» demanda Gédéon Spilett. « Non, non !»« Ah, s'il t'avait blessé, ce singe !» s'écria Pencroff. « Mais ce n'est pas un singe !» répondit Harbert. Pencroff et Gédéon Spilett, à ces paroles, regardèrent alors l'être singulier qui gisait à terre. En vérité, ce n'était point un singe. C'était une créature humaine, c'était un homme. Mais quel homme ! Un sauvage, dans toute l'horrible acception du mot, et d'autant plus épouvantable qu'il semblait être tombé au dernier degré de l'abrutissement. Chevelure hérissée, barbe inculte descendant jusqu'à la poitrine, corps à peu près nu, sauf un lambeau de couverture sur les reins, yeux farouches, mains énormes, ongles démesurément longs, teint sombre comme l'acajou, pieds durcis comme s'ils eussent été faits de cornes. Telle était la misérable créature qu'il fallait bien, pourtant, appeler un homme. Mais on avait droit vraiment de se demander si dans ce corps il y avait encore une âme, ou si le vulgaire instinct de la brute avait seul survécu en lui. « Êtes-vous bien sûr que ce soit un homme, ou qu'il l'a été ?» demanda Pencroff au reporter. « Hélas, ce n'est pas douteux, » répondit celui-ci. « Ce serait donc le naufragé ?» dit Harbert. « Oui, » répondit Gédéon Spilett, « mais l'infortuné n'a plus rien d'humain. » Le reporter disait vrai. Il était évident que, si le naufragé avait jamais été un être civilisé, l'isolement en avait fait un sauvage, et pis, peut-être un véritable homme des bois. Des sons rauques sortaient de sa gorge, entre ses dents, qui avaient l'acuité des dents de carnivores, faites pour ne plus broyer que de la chair crue. La mémoire devait l'avoir abandonnée depuis longtemps, sans doute, et depuis longtemps aussi, il ne savait plus se servir de ses outils, de ses armes, il ne savait plus faire de feu. On voyait qu'il était leste, souple, mais que toutes les qualités physiques s'étaient développées chez lui au détriment des qualités morales. Gédéon Spilett lui parla. Il ne parut pas comprendre, ni même entendre. Et cependant, en le regardant bien dans les yeux, le reporter crut voir que toute raison n'était pas éteinte en lui. Cependant, le prisonnier ne se débattait pas. Il ne s'essayait point à briser ses liens. Était-il anéanti par la présence de ces hommes dont il avait été le semblable? Retrouvait-il dans un coin de son cerveau quelque fugitif souvenir qui le ramenait à l'humanité? Libre, aurait-il tenté de s'enfuir ou serait-il resté? On ne sait, mais on n'en fit pas l'épreuve, et, après avoir considéré le misérable avec une extrême attention, « Quel qu'il soit, dit Gédéon Spilett, quel qu'il ait été, et quoi qu'il puisse devenir, notre devoir est de le ramener avec nous à l'île Lincoln. » Oui, oui, répondit Harbert, et peut-être pourra-t-on, avec des soins, réveiller en lui quelques lueurs d'intelligence. L'âme ne meurt pas, dit le reporter, et ce serait une grande satisfaction que d'arracher cette créature de Dieu à l'abrutissement. Pencroff secouait la tête d'un air de doute. Il faut l'essayer, en tout cas, répondit le reporter. Et l'humanité nous le commande. C'était en effet leur devoir d'être civilisés et chrétiens. Tous trois le comprirent, et ils savaient bien que Cyrus Smith les approuverait d'avoir agi ainsi. « Le laisserons-nous lier ?» demanda le marin. « Peut-être marcherait-il si on détachait ses pieds, » dit Harbert. « Essayons, » répondit Pencroff. Les cordes qui entravaient les pieds du prisonnier furent défaites, mais ses bras demeurèrent fortement attachés. Il se leva de lui-même et ne parut manifester aucun désir de s'enfuir. Ses yeux secs dardaient un regard aigu sur les trois hommes qui marchaient près de lui, et rien ne dénotait qu'il se souvînt d'être leur semblable ou, au moins, de l'avoir été. Un sifflement continu s'échappait de ses lèvres, et son aspect était farouche, mais il ne chercha pas à résister. Sur le conseil du reporter, cet infortuné fut ramené à sa maison. Peut-être la vue des objets qui lui appartenaient ferait-elle quelque impression sur lui. Peut-être suffisait-il d'une étincelle pour raviver sa pensée obscurcie, pour rallumer son âme éteinte. L'habitation n'était pas loin. En quelques minutes, tous y arrivèrent. Mais là, le prisonnier ne reconnut rien, et il semblait qu'il eût perdu conscience de toute chose. Que pouvait-on conjecturer de ce degré d'abrutissement auquel ce misérable être était tombé, si ce n'est que son emprisonnement sur l'îlot datait de loin déjà, et qu'après y être arrivé raisonnable, l'isolement l'avait réduit à un tel état? Le reporter eut alors l'idée que la vue du feu agirait peut-être sur lui, et en un instant, une de ces belles flambées qui attirent même les animaux illumina le foyer. La vue de la flamme sembla d'abord fixer l'attention du malheureux, mais bientôt il recula, et son regard inconscient s'éteignit. Évidemment, il n'y avait rien à faire, pour le moment du moins, qu'à le ramener à bord du Bonaventure, ce qui fut fait, et là il resta sous la garde de Pencroff. Harbert et Gédéon Spilett retournèrent sur l'îlot pour y terminer leurs opérations, et quelques heures après, ils revenaient au rivage, rapportant les ustensiles et les armes, une récolte de graines potagères, quelques pièces de gibier et deux couples de porcs. Le tout fut embarqué, et le Bonaventure se tint prêt à lever l'ancre dès que la marée du lendemain matin se ferait sentir. Le prisonnier avait été placé dans la chambre de l'avant, où il resta calme, silencieux, Sourd et muet tout ensemble, Pencroff lui offrit à manger, mais il repoussa la viande cuite qui lui fut présentée et qui sans doute ne lui convenait plus. Et en effet, le marin lui ayant montré un des canards qu'Harbert avait tué, il se jeta dessus avec une avidité bestiale et le dévora. « Vous croyez qu'il en reviendra ?» dit Pencroff en secouant la tête. « Peut-être, répondit le reporter, il n'est pas impossible que nos soins ne finissent par réagir sur lui, car c'est l'isolement qui l'a fait ce qu'il est, et il ne sera plus seul désormais. « Il y a longtemps sans doute que le pauvre homme est en cet état, » dit Harbert. « Peut-être, répondit Gédéon Spilett. « Quel âge peut-il avoir ?» demanda le jeune garçon. « Cela est difficile à dire, » répondit le reporter, « car il est impossible de voir ses traits sous l'épaisse barbe qui lui couvre la face. Mais il n'est plus jeune, et je suppose qu'il doit avoir au moins 50 ans. « Avez-vous remarqué, monsieur Spilett, combien ses yeux sont profondément enfoncés sous leur arcade ?» demanda le jeune garçon. « Oui, Harbert, mais j'ajoute qu'ils sont plus humains qu'on serait tenté de le croire à l'aspect de sa personne. « Enfin, nous verrons, » répondit Pencroff, « et je suis curieux de connaître le jugement que portera monsieur Smith sur notre sauvage. Nous allions chercher une créature humaine, et c'est un monstre que nous ramenons. Enfin, on fait ce qu'on peut. » La nuit se passa, et si le prisonnier dormit ou non, on ne sait. En tout cas, bien qu'il eût été délié, il ne remua pas. Il était comme ces fauves que les premiers moments de séquestration accablent, et que la rage reprend plus tard. Au lever du jour, le lendemain 15 octobre, le changement de temps prévu par Pencroff s'était produit. Le vent avait halé le nord-ouest, et il favorisait le retour du Bonaventure. Mais en même temps, il fraîchissait et devait rendre la navigation plus difficile. À 5 heures du matin, l'ancre fut levée, Pencroff prit un ris dans sa grande voile et mit le cap à l'est-nord-est, de manière à cingler directement vers l'île Lincoln. Le premier jour de la traversée ne fut marqué par aucun incident. Le prisonnier était demeuré calme dans la cabine de l'avant, et comme il avait été marin, il semblait que les agitations de la mer produisissent sur lui une sorte de salutaire réaction. Lui revenait-il donc à la mémoire quelques souvenirs de son ancien métier? En tout cas, il se tenait tranquille, étonné plutôt qu'abattu. Le lendemain, 16 octobre, le vent fraîchit beaucoup, en remontant encore plus au nord, et par conséquent, dans une direction moins favorable à la marche du Bonaventure, qui bondissait sur les lames. Pencroff en fut bientôt arrivé à tenir le plus près, et, sans en rien dire, il commença à être inquiet de l'état de la mer, qui déferlait violemment sur l'avant de son embarcation. Certainement, si le vent ne se modifiait pas, il mettrait plus de temps à atteindre l'île Lincoln qu'il n'en avait employé à gagner l'île Tabor. En effet, le 17 au matin, il y avait 48 heures que le Bonaventure était parti, et rien n'indiquait qu'il fût dans les parages de l'île. Il était impossible, d'ailleurs, pour évaluer la route parcourue, de s'en rapporter à l'estime, car la direction et la vitesse avaient été trop irrégulières. 24 heures après, il n'y avait encore aucune terre en vue. Le vent était tout à fait debout, alors, et la mer détestable. Il fallut manœuvrer avec rapidité les voiles de l'embarcation, que des coups de mer couvraient en grand, prendre des ris, et souvent changer les amures, en courant de petits bords. Il arriva même que, dans la journée du 18, le Bonaventure fut entièrement coiffé par une lame, et si ses passagers n'eussent pas pris d'avance la précaution de s'attacher sur le pont, ils auraient été emportés. Dans cette occasion, Pencroff et ses compagnons, très occupés à se dégager,

Était-ce donc le remords qui l'accablait ainsi? On pouvait le croire, et Gédéon Spilett ne put s'empêcher de faire un jour cette observation. S'il ne parle pas, c'est qu'il aurait, je crois, des choses trop graves à dire. Il fallait être patient et attendre. Quelques jours plus tard, le 3 novembre, l'inconnu travaillant sur le plateau s'était arrêté après avoir laissé tomber sa bêche à terre, et Cyrus Smith, qui l'observait à peu de distance, vit encore une fois des larmes qui coulaient de ses yeux. Une sorte de pitié irrésistible le conduisit vers lui, et il lui toucha le bras légèrement. « Mon ami, » dit-il. Le regard de l'inconnu chercha à l'éviter, et Cyrus Smith, ayant voulu lui prendre la main, il recula vivement. « Mon ami, » dit Cyrus Smith, d'une voix plus ferme, « regardez-moi, je le veux. » L'inconnu regarda l'ingénieur et sembla être sous son influence, comme un magnétisé sous la puissance de son magnétiseur. Il voulut fuir, mais alors il se fit dans sa physionomie comme une transformation. Son regard lança des éclairs. Des paroles cherchèrent à s'échapper de ses lèvres. Il ne pouvait plus se contenir. Enfin, il croisa les bras, puis d'une voix sourde, « Qui êtes-vous ? » demanda-t-il à Cyrus Smith. « Des naufragés comme vous, » répondit l'ingénieur, dont l'émotion était profonde. « Nous vous avons ramené ici parmi vos semblables. »« Mes semblables, je n'en ai pas. »« Vous êtes au milieu d'amis. »« Des amis. À moi, des amis !» s'écria l'inconnu en cachant sa tête dans ses mains. « Non, jamais. Laissez-moi, laissez-moi !» Puis il s'enfuit du côté du plateau qui dominait la mer, et là il demeura longtemps immobile. Cyrus Smith avait rejoint ses compagnons et leur racontait ce qui venait de se passer. « Oui, il y a un mystère dans la vie de cet homme, » dit Gédéon Spilett, « et il semble qu'il ne soit rentré dans l'humanité que par la voie du remords. » « Je ne sais trop quelle espèce d'homme nous avons ramené là, » dit le marin. « Il a des secrets. » « Que nous respecterons, » répondit vivement Cyrus Smith. « S'il a commis quelque faute, il l'a cruellement expié, et, à nos yeux, il est absous. » Pendant 2 heures, l'inconnu demeura seul sur la plage, évidemment sous l'influence de souvenirs qui lui refaisaient tout son passé, un passé funeste sans doute, et les colons, sans le perdre de vue, ne cherchèrent point à troubler son isolement. Cependant, après 2 heures, il parut avoir pris une résolution, et il vint trouver Cyrus Smith. Ses yeux étaient rouges des larmes qu'il avait versées, mais il ne pleurait plus. Toute sa physionomie était empreinte d'une humilité profonde. Il semblait craintif, honteux, se faire tout petit, et son regard était constamment baissé vers la terre. « Monsieur, » dit-il à Cyrus Smith, « vos compagnons et vous, êtes-vous anglais ?»« Non, » répondit l'ingénieur, « nous sommes américains. »« Ah !» fit l'inconnu, et il murmura ces mots, « j'aime mieux cela. »« Et vous, mon ami ?» demanda l'ingénieur. « Anglais, » répondit-il précipitamment, et, comme si ces quelques mots lui eussent pesé à dire, il s'éloigna de la grève qu'il parcourut depuis la cascade jusqu'à l'embouchure de la Mercy dans un état d'extrême agitation. Puis, ayant passé un certain moment près d'Harbert, il s'arrêta et, d'une voix étranglée, « Quel mois ?» lui demanda-t-il. « Décembre, » répondit Harbert. « Quelle année ?»« 1866. »« 12 ans. 12 ans !» s'écria-t-il. Puis il le quitta brusquement. Harbert avait rapporté aux colons les demandes et la réponse qui lui avaient été faites. Cet infortuné, fit observer Gédéon Spilett, n'était plus au courant ni des mois ni des années. « Oui, » ajouta Harbert, « et il était depuis 12 ans déjà sur l'îlot quand nous l'y avons trouvé. »« 12 ans, » répondit Cyrus Smith, « ah, 12 ans d'isolement, après une existence maudite peut-être, peuvent bien altérer la raison d'un homme. » « Je suis porté à croire, » dit alors Pencroff, « que cet homme n'est point arrivé à l'île Tabor par naufrage, mais qu'à la suite de quelques crimes, il y aura été abandonné. »« Vous devez avoir raison, Pencroff, » répondit le reporter, et si cela est, il n'est pas impossible que ceux qui l'ont laissé sur l'île ne reviennent l'y rechercher un jour. » Et ils ne le trouveront plus, dit Harbert. Mais alors, reprit Pencroff, il faudrait retourner et... Mes amis, dit Cyrus Smith, ne traitons pas cette question avant de savoir à quoi nous en tenir. Je crois que ce malheureux a souffert, qu'il a durement expié ses fautes, quelles qu'elles soient, et que le besoin de s'épancher l'étouffe. Ne le provoquons pas à nous raconter son histoire. Il nous la dira sans doute, et quand nous l'aurons apprise, nous verrons quelle partie il conviendra de suivre. Lui seul, d'ailleurs, peut nous apprendre s'il a conservé plus que l'espoir, la certitude d'être rapatrié un jour, mais j'en doute. Et pourquoi ? Demanda le reporter. Parce que dans le cas où il eût été sûr d'être délivré dans un temps déterminé, il aurait attendu l'heure de sa délivrance, et n'eût pas jeté ce document à la mer. Non, il est plutôt probable qu'il était condamné à mourir sur cet îlot, et qu'il ne devait plus jamais revoir ses semblables. Mais, fit observer le marin, il y a une chose que je ne puis pas m'expliquer. Laquelle ? S'il y a 12 ans que cet homme a été abandonné sur l'île Tabor, on peut bien supposer qu'il était depuis plusieurs années déjà dans cet état de sauvagerie où nous l'avons trouvé. Cela est probable, répondit Cyrus Smith. Il y aurait donc, par conséquent, plusieurs années qu'il aurait écrit ce document. Sans doute, et cependant le document semblait récemment écrit. D'ailleurs, comment admettre que la bouteille qui renfermait le document ait mis plusieurs années à venir de l'île Tabor à l'île Lincoln ? Ce n'est pas absolument impossible, répondit le reporter. Ne pouvait-elle être depuis longtemps déjà sur les parages de l'île ? Non, répondit Pencroff, car elle flottait encore. On ne peut pas même supposer qu'après avoir séjourné plus ou moins longtemps sur le rivage, elle ait pu être reprise par la mer, car c'est tout rocher sur la côte sud, et elle s'y fut immanquablement brisée. En effet, répondit Cyrus Smith, qui demeura songeur. Et puis, ajouta le marin, si le document avait plusieurs années de date, si depuis plusieurs années il était enfermé dans cette bouteille, il eût été avarié par l'humidité. Or, il n'en était rien, et il se trouvait dans un parfait état de conservation. L'observation du marin était très juste, et il y avait là un fait incompréhensible, car le document semblait avoir été récemment écrit, quand les colons le trouvèrent dans la bouteille. De plus, il donnait la situation de l'île Tabor en latitude et en longitude avec précision, ce qui impliquait chez son auteur des connaissances assez complètes en hydrographie qu'un simple marin ne pouvait avoir. « Il y a là, une fois encore, quelque chose d'inexplicable, » dit l'ingénieur. « Mais ne provoquons pas notre nouveau compagnon à parler. Quand il le voudra, mes amis, nous serons prêts à l'entendre. » Pendant les jours qui suivirent, l'inconnu ne prononça pas une parole et ne quitta pas une seule fois l'enceinte du plateau. Il travaillait à la terre, sans perdre un instant, sans prendre un moment de repos, mais toujours à l'écart. Aux heures du repas, il ne remontait point à Granite House, bien que l'invitation lui en eût été faite à plusieurs reprises, et il se contentait de manger quelques légumes crus. La nuit venue, il ne regagnait pas la chambre qui lui avait été assignée, mais il restait là, sous quelques bouquets d'arbres où, quand le temps était mauvais, il se blottissait dans quelque anfractuosité des roches. Ainsi, il vivait encore comme au temps où il n'avait d'autre abri que les forêts de l'île Tabor, et toute insistance pour l'amener à modifier sa vie ayant été vaine, les colons attendirent patiemment. Mais le moment arrivait enfin où, impérieusement et comme involontairement poussé par sa conscience, de terribles aveux allaient lui échapper. Le 10 novembre, vers 8 heures du soir, au moment où l'obscurité commençait à se faire, l'inconnu se présenta inopinément devant les colons qui étaient réunis sous la véranda. Ses yeux brillaient étrangement, et toute sa personne avait repris son aspect farouche des mauvais jours. Cyrus Smith et ses compagnons furent comme atterrés en voyant que, sous l'empire d'une terrible émotion, ses dents claquaient comme celles d'un fiévreux. Qu'avait-il donc? La vue de ses semblables lui était-elle insupportable? En avait-il assez de cette existence dans ce milieu honnête? Est-ce que la nostalgie de l'abrutissement le reprenait? On dut le croire quand on l'entendit s'exprimer ainsi en phrases incohérentes. Pourquoi suis-je ici? De quel droit m'avez-vous arraché à mon îlot? Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre vous et moi? Savez-vous qui je suis? Ce que j'ai fait? Pourquoi j'étais là-bas, seul? Et qui vous dit qu'on ne m'y a pas abandonné? Que je n'étais pas condamné à mourir là? Connaissez-vous mon passé? Savez-vous si je n'ai pas volé, assassiné? Si je ne suis pas un misérable? Un être maudit? Bon à vivre comme une bête fauve, loin de tous? Dites, le savez-vous? Les colons écoutaient sans interrompre le misérable auquel ses demi-aveux échappaient, pour ainsi dire, malgré lui. Cyrus Smith voulut alors le calmer en s'approchant de lui, mais il recula vivement. « Non, non, s'écria-t-il, un mot seulement. Suis-je libre ?»« Vous êtes libre, répondit l'ingénieur. Adieu donc, s'écria-t-il. » Et il s'enfuit comme un fou. Nab, Pencroff, Harbert coururent aussitôt vers la lisière du bois, mais ils revinrent seuls. « Il faut le laisser faire, dit Cyrus Smith. » « Il ne reviendra jamais, s'écria Pencroff. »« Il reviendra, répondit l'ingénieur. » Et depuis lors, bien des jours se passèrent. Mais Cyrus Smith, était-ce une sorte de pressentiment, persista dans l'inébranlable idée que le malheureux reviendrait tôt ou tard. « C'est la dernière révolte de cette rude nature, disait-il, que le remords a touchée et qu'un nouvel isolement épouvanterait. » Cependant, les travaux de toutes sortes furent continués, tant au plateau de grande vue qu'au corral, où Cyrus Smith avait l'intention de bâtir une ferme. Il va sans dire que les graines récoltées par Harbert à l'île Tabor avaient été soigneusement semées. Le plateau formait alors un vaste potager, bien dessiné, bien entretenu, et qui ne laisserait pas chômer les bras des colons. Là, il y avait toujours à travailler. À mesure que les plantes potagères s'étaient multipliées, il avait fallu agrandir les simples carrés qui tendaient à devenir de véritables champs et à remplacer les prairies. Mais le fourrage abondait dans les autres portions de l'île, et les onagas ne devaient pas craindre d'être jamais rationnés. Mieux valait d'ailleurs transformer en potager le plateau de grande vue, défendu par sa profonde ceinture de criques, et reporter en dehors les prairies qui n'avaient pas besoin d'être protégées contre les déprédations des quadrumanes et des quadrupèdes. Au 15 novembre, on fit la troisième moisson. Voilà un champ qui s'était accru en surface depuis 18 mois que le premier grain de blé avait été semé. La seconde récolte de 600 000 grains produisit cette fois 4 000 boisseaux, soit plus de 500 millions de grains. La colonie était riche en blé, car il suffisait de semer une dizaine de boisseaux pour que la récolte fût assurée chaque année et que tous, hommes et bêtes, pussent s'en nourrir. La moisson fut donc faite, et l'on consacra la dernière quinzaine du mois de novembre aux travaux de panification. En effet, on avait le grain, mais non la farine, et l'installation d'un moulin fut nécessaire. Cyrus Smith eut pu utiliser la seconde chute qui s'épanchait sur la Mercy pour établir son moteur, la première étant déjà occupée à mouvoir les pilons du moulin à foulon. Mais, après discussion, il fut décidé que l'on établirait un simple moulin à vent sur les hauteurs de grande vue. La construction de l'un n'offrait pas plus de difficultés que la construction de l'autre, et on était sûr, d'autre part, que le vent ne manquerait pas sur ce plateau, exposé aux brises du large. « Sans compter, dit Pencroff, que ce moulin à vent sera plus gai et fera bon effet dans le paysage. » On se mit donc à l'œuvre en choisissant des bois de charpente pour la cage et le mécanisme du moulin. Quelques grands grès qui se trouvaient dans le nord du lac pouvaient facilement se transformer en meules, et quant aux ailes, l'inépuisable enveloppe du ballon leur fournirait la toile nécessaire. Cyrus Smith fit les plans, et l'emplacement du moulin fut choisi un peu à droite de la basse-cour, près de la berge du lac. Toute la cage devait reposer sur un pivot, maintenu dans de grosses charpentes, de manière à pouvoir tourner avec tout le mécanisme qu'elle contenait, selon les demandes du vent. Ce travail s'accomplit rapidement. Nab et Pencroff étaient devenus de très habiles charpentiers et n'avaient qu'à suivre les gabarits fournis par l'ingénieur. Aussi, une sorte de guérite cylindrique, une vraie poivrière, coiffée d'un toit aigu, s'éleva-t-elle bientôt à l'endroit désigné. Les quatre châssis qui formaient les ailes avaient été solidement implantés dans l'arbre de couche, de manière à faire un certain angle avec lui, et ils furent fixés au moyen de tenons de fer. Quant aux diverses parties du mécanisme intérieur, la boîte destinée à contenir les deux meules, la meule gisante et la meule courante, la trémie, sorte de grande auge carrée, large du haut, étroite du bas, qui devait permettre aux grains de tomber sur les meules, l'auget oscillant destiné à régler le passage du grain et auquel son perpétuel tic-tac a fait donner le nom de babillard, et enfin le blutoir qui, par l'opération du tamisage, sépare le son de la farine, cela se fabriqua sans peine. Les outils étaient bons et le travail fut peu difficile car, en somme, les organes d'un moulin sont très simples. Ce ne fut qu'une question de temps. Tout le monde avait travaillé à la construction du moulin, et le 1er décembre il était terminé. Comme toujours, Pencroff était enchanté de son ouvrage, et il ne se doutait pas que l'appareil ne fût parfait. « Maintenant un bon vent, dit-il, et nous allons joliment moudre notre première récolte. »« Un bon vent, soit, répondit l'ingénieur, mais pas trop de vent, Pencroff. »« Bah, notre moulin n'en tournera que plus vite. » « Il n'est pas nécessaire qu'il tourne si vite, » répondit Cyrus Smith. « On sait par expérience que la plus grande quantité de travail est produite par un moulin quand le nombre de tours parcourus par les ailes en une minute est sextuple du nombre de pieds parcourus par le vent en une seconde. Avec une brise moyenne qui donne 24 pieds à la seconde, il imprimera 16 tours aux ailes pendant une minute, et il n'en faut pas davantage. » « Justement, s'écria Harbert, il souffle une jolie brise du nord-est qui fera bien notre affaire. » Il n'y avait aucune raison de retarder l'inauguration du moulin, car les colons avaient hâte de goûter au premier morceau de pain de l'île Lincoln. Ce jour-là donc, dans la matinée, 2 à 3 boisseaux de blé furent moulus, et le lendemain, au déjeuner, une magnifique miche, un peu compacte peut-être, quoique levé avec de la levure de bière, figurait sur la table de Granite House. Chacun y mordit à belles dents, et avec quel plaisir, on le comprend de reste. Cependant, l'inconnu n'avait pas reparu. Plusieurs fois, Gédéon Spilett et Harbert avaient parcouru la forêt aux environs de Granite House, sans le rencontrer, sans en trouver aucune trace. Ils s'inquiétaient sérieusement de cette disparition prolongée. Certainement, l'ancien sauvage de l'île Tabor ne pouvait être embarrassé de vivre dans ces giboyeuses forêts du Far West. Mais n'était-il pas à craindre qu'il ne reprît ses habitudes et que cette indépendance ne ravivât ses instincts farouches? Toutefois, Cyrus Smith, par une sorte de pressentiment sans doute, persistait toujours à dire que le fugitif reviendrait. « Oui, il reviendra, répétait-il avec une confiance que ses compagnons ne pouvaient partager. Quand cet infortuné était à l'île Tabor, il se savait seul. Ici, il sait que ses semblables l'attendent. Puisqu'il a à moitié parlé de sa vie passée, ce pauvre repenti, il reviendra la dire tout entière, et ce jour-là, il sera à nous. » L'événement allait donner raison à Cyrus Smith. Le 3 décembre, Harbert avait quitté le plateau de Grande Vue et était allé pêcher sur la rive méridionale du lac. Il était sans armes, et jusqu'alors il n'y avait jamais eu aucune précaution à prendre, puisque les animaux dangereux ne se montraient pas dans cette partie de l'île. Pendant ce temps, Pencroff et Nab travaillaient à la basse-cour, tandis que Cyrus Smith et le reporter étaient occupés aux cheminées à fabriquer de la soude, la provision de savon étant épuisée. Soudain, des cris retentirent. « Au secours ! À moi !» Cyrus Smith et le reporter, trop éloignés, n'avaient pu entendre ces cris. Pencroff et Nab, abandonnant la basse-cour en toute hâte, s'étaient précipités vers le lac. Mais avant eux, l'inconnu dont personne n'eût pu soupçonner la présence en cet endroit, franchissait le creek Glycérine qui séparait le plateau de la forêt et bondissait sur la rive opposée. Là, Harbert était en face d'un formidable jaguar, semblable à celui qui avait été tué au promontoire du reptile. Inopinément surpris, il se tenait debout contre un arbre, tandis que l'animal, ramassé sur lui-même, allait s'élancer. Mais l'inconnu, sans autre arme qu'un couteau, se précipita sur le redoutable fauve, qui se retourna contre ce nouvel adversaire. La lutte fut courte. L'inconnu était d'une force et d'une adresse prodigieuses. Il avait saisi le jaguar à la gorge d'une main puissante, comme une cisaille, sans s'inquiéter si les griffes du fauve lui pénétraient dans les chairs, et de l'autre, il lui fouillait le cœur avec son couteau. Le jaguar tomba, l'inconnu le poussa du pied, et il allait s'enfuir au moment où les colons arrivaient sur le théâtre de la lutte, quand Harbert, s'attachant à lui, s'écria « Non, non, vous ne vous en irez pas !» Cyrus Smith alla vers l'inconnu, dont les sourcils se froncèrent lorsqu'il le vit s'approcher. Le sang coulait à son épaule, sous sa veste déchirée, mais il n'y prenait pas garde. « Mon ami, lui dit Cyrus Smith, nous venons de contracter une dette de reconnaissance envers vous. Pour sauver notre enfant, vous avez risqué votre vie. »« Ma vie, murmura l'inconnu, qu'est-ce qu'elle vaut, moins que rien. Vous êtes blessé ? Peu importe. Voulez-vous me donner votre main ? » Et comme Harbert cherchait à saisir cette main, qui venait de le sauver, l'inconnu se croisa les bras, sa poitrine se gonfla, son regard se voila, et il parut vouloir fuir. Mais, faisant un violent effort sur lui-même, et d'un ton brusque, « Qui êtes-vous » dit-il, « et que prétendez-vous être pour moi ?» C'était l'histoire des colons qu'il demandait ainsi, et pour la première fois peut-être, cette histoire racontée dirait-il la sienne. En quelques mots, Cyrus Smith raconta tout ce qui s'était passé depuis leur départ de Richmond, comment ils s'étaient tirés d'affaire et quelles ressources étaient maintenant à leur disposition. L'inconnu l'écoutait avec une extrême attention. Puis l'ingénieur dit alors ce qu'ils étaient tous, Gédéon Spilett, Harbert, Pencroff, Nab, lui, et il ajouta que la plus grande joie qu'ils avaient éprouvée depuis leur arrivée dans l'île Lincoln, c'était à leur retour de l'îlot, quand ils avaient pu compter un compagnon de plus. À ces mots, celui-ci rougit, sa tête s'abaissa sur sa poitrine, et un sentiment de confusion se peignit sur toute sa personne. « Et maintenant que vous nous connaissez, ajouta Cyrus Smith, voulez-vous nous donner votre main ?»« Non, répondit l'inconnu d'une voix sourde, non, vous êtes d'honnêtes gens, vous, et moi... »